Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. 200 de personnes ont été appréhendées par la police ce matin en plein centre-ville de Bujumbura, dont des enfants de la rue et des sans-emploi. Les associations œuvrant dans le domaine de l'enfance saluent cette action de la mairie de Bujumbura. Le maire de la ville, Freddy Mbonima, promet de payer des tickets pour le retour de ceux qui voudraient rentrer chez eux. Des affrontements ont eu lieu ce matin à Bururi entre les forces de l'ordre et des hommes armés. Bilan, 2 morts et 2 blessés, dont un policier et 5 fusils saisis. Nous ferons le point dans ce journal. Et le ministère de l'Intérieur apporte un éclairage sur la récente mesure prise par les gouverneurs des provinces Bubanza et Gitega d'interdire tout écoulement des produits vivriers en dehors de ces circonscriptions. L'assistant du ministre précise qu'il s'agit surtout d'empêcher l'exportation des vivres en dehors des frontières nationales. Et 10 de personnes sont déjà dans les mains de la police en province Mwaro après l'attaque meurtrière de la nuit du 25 au 26 de ce mois et qui a emporté 4 personnes, dont 2 enseignants. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Plus de 200 personnes ont été arrêtées lors d'une rafle policière ce mercredi. Les personnes concernées sont des mendiants et des hommes qui n'ont pas de travail au centre-ville de Bujumbura. Ils ont été identifiés par la mairie pour pouvoir les embarquer ultérieurement vers leur province d'origine. Reportage Francine Diokougaï. Nous sommes au centre-ville Bujumbura, plus précisément au kiosque Braroudi. Il est exactement 11h. Des bus, coasters et camionnettes de la police s'apprêtent à embarquer les personnes arrêtées en plein centre-ville dans la matinée de ce mercredi. Ce sont entre autres des femmes et enfants qui s'adonnent à la mendicité, des personnes vivant avec handicap et d'autres jeunes qui n'ont pas d'occupation dans la capitale, d'après la police et les agents de la mairie. L'opération vise à réduire le phénomène de mendicité et de vol devenu monnaie courante au centre-ville Bujumbura, ont-ils ajouté. Parmi les femmes arrêtées, il y en a qui reconnaissent qu'elles se lèvent très tôt le matin avec leurs enfants pour chercher de l'aide auprès des bienfaiteurs. Nous menons une vie misérable. Nous logeons à Buterere. Moi, j'ai 3 enfants. Je suis avec 2 seulement dans la rue. Nous vivons de la mendicité. Je suis veuve et j'ai déjà dit que je suis séropositive. Vous voulez qu'on aille piller? Il vaut mieux demander à manger à quelqu'un qui va te donner quelque chose s'il le juge nécessaire. Ce sexagénaire sur chaise roulante ne comprend pas pourquoi il a été arrêté, car lui rentrait à la maison quand la police l'a obligé à rejoindre les autres. Moi, j'ai vu la police m'amener ici. Je ne sais pas pourquoi. Je rentrais à la maison. J'ai une association et c'est moi qui aide les autres personnes vivant avec handicap. Je ne suis pas mendiant. Je lutte justement contre la mendicité. Je ne vois pas pourquoi ils m'ont amené ici. Les personnes arrêtées se comptent à plus de 200 et ont été par la suite amenées au quartier Kabondo dans une salle de la mairie de Bujumbura, ex-Montana, pour identification. Merci Francine. La Fédération nationale des associations œuvrant dans le domaine de l'enfance au Burundi salue cette action de la mairie qui répond à leur appel. Le président de la FENADEB trouve que les gens qui voudraient apporter assistance aux vulnérables de le faire ne le feraient pas, surtout pas dans la rue. C'est une opération que nous avons saluée au niveau des organisations de la société civile engagées dans le domaine de l'enfance et surtout que c'est une opération qui répond à l'appel qu'on avait lancé dernièrement sur le phénomène de mendicité, le phénomène d'exploitation des enfants qui s'était adonné à une pratique mauvaise d'exploitation des enfants. Donc les femmes se regroupaient en équipe et les arrêts loués des enfants vivant avec le handicap physique, des enfants qui stimulent la pitié de tout passant. Et ces femmes s'étaient finalement organisées en groupe et c'était devenu un business pour elles. Donc nous avons crié haut et fort et nous avons rappelé à l'administration de la mairie de Bujumbura et au gouvernement en général qu'elle se donnait la responsabilité de protéger ces enfants qui sont victimes d'exploitation. Donc la charité, c'est vrai, elle est nécessaire, mais il faut qu'elle soit bien coordonnée. Voilà, c'était Maître Jacques Nshimirimana. Il est de la FENADEB, la Fédération Nationale des Associations œuvrant dans le domaine de l'enfance au Burundi. Cette rafle de la police est donc une mise en exécution d'une décision municipale de vider la ville des mendiants et des personnes n'y ayant pas d'activité. Le maire de la ville de Bujumbura promet de payer des tickets à ceux qui voudront retourner chez eux. Suivez Freddy Mbonima. Comme nous l'avions annoncé la semaine passée, les gens, les mendiants, les enfants de la rue, les personnes qui ne font rien, qui déambulent dans la ville, on a fait une rafle. Nous les avons réunis ici. Nous venons de leur donner un message en leur interdisant de ne plus revenir dans la ville sans objectif, sans rien faire. Parce que nous avons constaté que les efforts fournis par l'administration ne peuvent pas continuer avec ces gens-là qui déambulent. Il y a de l'insalubrité, il y a un décor qui n'est pas propre à la ville, nous avons demandé et de se faire enregistrer pour des gens qui sont indigents ou des mendiants pour ne plus revenir dans la ville. Et nous sommes prêts de les accompagner à l'intérêt du pays en payant les tickets pour ceux qui le veulent et pour ceux qui ne le veulent pas pour trouver d'autres solutions. Nous allons faire des patrouilles de jour et de nuit pour interdire ce phénomène des gens qui ne font rien, des gens qui sont de bonne santé mais qui ne veulent rien faire. Donc c'est un mouvement, un phénomène à décourager pour permettre à ces gens d'aller travailler. Je vous l'avais dit, deux morts, deux blessés, dont un policier, cinq fusils saisis. Voilà le bilan des affrontements cet avant-midi entre un groupe armé non identifié et les forces de l'ordre sur la colline Mubuga en commune et province Bururi. Le gouverneur de Bururi indique que quatre présumés rebelles de ce groupe ont été capturés vivants lors de ces affrontements qui ont eu lieu à la lisière de la réserve naturelle forestière de Bururi. Reportage Jean-Pierre Misako. Ces deux personnes tuées faisait partie d'une bande de 11 personnes armées de 5 fusils de type Kalachnikov lorsque celle-ci a affronté les forces de l'ordre de Bururi le matin de ce mercredi alors qu'elle cherchait à entrer dans la réserve naturelle et forestière de Bururi, selon Christian Nkurunziza, gouverneur de la province de Bururi. Ce responsable administratif indique en outre que ce sont les habitants de Songa qui ont vu passer cette bande armée qui ont alerté l'administration de Bururi. Vers 8h du matin de ce mercredi, la sous-colline Mhinga était ceinturée par les forces de l'ordre venues de Bururi et la dite bande armée a ouvert le feu, blessant du coup un policier et le secrétaire communal de Bururi avant d'être maîtrisé. Les habitants de cette localité craignent pour leur sécurité et celle de leurs biens, estimant que ceux qui n'ont pas été arrêtés posséderaient des armes. Le gouverneur de Bururi rassure, selon lui, cette bande avait uniquement 5 fusils tous saisis et ceux qui ont passé dans les mailles du filet sont en train d'être recherchés. Vers midi de ce mercredi, le calme était revenu, selon l'administration provinciale de Bururi. Merci Jean-Pierre Misago. Et des coups de fusil ont été entendus cette nuit sur la colline Nyarurambi de la commune Chombo. Nous sommes en province de Karusi. Le commissaire provincial de la police explique qu'il s'agissait des tirs de dissuasion des policiers de la place. C'était pour disperser la population qui s'insurgeait contre l'arrestation du chef de la même colline, accusé de détournement des taxes de la commune. Le commissaire de police indique que ce chef de colline est actuellement au cachot de la police du chef-lieu de la commune Chombo. Et 10 personnes ont été jusqu'à présent arrêtées par la police en province Mwaro après les attaques de malfaiteurs qui ont eu lieu il y a 4 jours dans les communes Dava et Rusaka. Toutes ces personnes sont en train de subir un interrogatoire selon le commissaire de police à Mwaro. Rappelons que ces attaques ont fait 4 personnes tuées et 3 autres blessées dans les deux communes. Pour d'autres détails, nous appelons notre correspondant Laurent Dikourio. Selon les informations fournies par le commissaire de police à Moaro, après l'attaque faite par un groupe de malfaiteurs au cours de la nuit du 26 au 27 juin 2016 sur les collines Bugorora et Bunyange des communes d'Usaka, une parmi les personnes qui formaient ce groupe de malfaiteurs a été appréhendée au niveau d'Igenda avec un fusil lorsqu'il se trouvait dans un bus en direction de Bujumbura. Deux autres individus qui étaient avec celui qui venait d'être appréhendé ont tenté de fuir, mais ils ont été eux aussi saisis par la police. Le commissaire de police Amoaro soulignait que les autres membres de ce réseau ont été appréhendés chez eux sur les informations que détenait la police. Il indiquait que pour le moment, 10 personnes sont dans les mains de la police. Elles sont en train de subir un interrogatoire. Les unes en province Amoaro et les autres ont été amenées à Bujumbura pour complément d'enquête. Le commissaire de police Amoaro se réjouit que ce réseau ait été démantelé. Il précise que la population a aidé en donnant les informations à temps. Il demande aux toutes personnes qui constatent un fait inquiétant d'informer à temps les autorités habilitées. Rappelons qu'au cours de l'attaque de la nuit du 25 au 26 juin cette année, deux enseignants de l'école fondamentale Bouguera en commune Ndava ont été tués, fusillés dans la route Oliamoaro et Kibimba. Et lors de l'attaque faite à Bugorora et Bunyange en commune Rusaka, au cours de la nuit du 26 au 27 juin 2016, trois personnes ont été blessées tandis qu'une autre a succombé sur le champ. Tomoaro, Laurent Dikuriyo, Radio Isanganiro. Merci Laurent. D'autres arrestations ont eu lieu depuis samedi à Mugamba et les 14 personnes qui avaient été arrêtées et emprisonnées à cette brigade de Mugamba ont été transférées à Bujumbura. Le porte-parole de la police, Pierre Mourouquier, dit qu'elles sont dans la main des forces de l'ordre sans plus de précision. On rappelle que ces personnes sont poursuivies pour collaboration avec des bandes armées. Et le président du parti FNL, Pro Agathon Rwasa, en province Karoussi, plaide pour la libération de 4 membres de ce parti arrêtés depuis 16 jours déjà dans la commune de Guiogazi. Nathan Waramama dit que leur emprisonnement est irrégulier. Il explique que c'est pour des mobiles politiques qu'ils ont été arrêtés. On l'écoute. Il répond aux questions de Marie-Ange Nzeiman. Le déroulement des faits, c'était un lundi le 13 juillet 2016, où nos membres, très nombreux de 4, ont été interpellés de se présenter à l'OPG de la commune de Guiogazi. Ils se sont présentés et ils ont été interrogés durant une certaine période, un certain moment. Ils ont été obligés d'être au cachot, mais les accusations ne sont pas fondées. Là-bas, ils ont passé 10 jours. Après ces 10 jours, ils ont été conduits au cachot de Karoussi. Maintenant, ça fait 16 jours depuis qu'ils sont incarcérés dans des cachots de Guiogazi et Karoussi. Ils n'ont jamais été comparus. Ils ont comparu la première fois, mais jusqu'à maintenant, sauf cette unique occasion de comparer, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore comparé encore au niveau. Si jamais quelqu'un est coupable, il faut qu'il soit puni conformément à la loi, mais s'il n'est pas coupable, il faut qu'il soit libéré. Au lieu de passer vraiment une affaire de 16 jours au cachet sans accusation fondée. Autre chose que je peux ajouter, c'est que nous avons remarqué que c'est parce qu'ils appartiennent à un parti qui est dans une opposition. Il faudrait qu'on se respecte dans les différentes formations politiques dans lesquelles nous sommes. Ils sont accusés de coups et blessures. Ils se sont jamais battus? Ils sont accusés comme quoi ils se sont battus et il y aurait des blessures, mais ce sont des accusations qui ne sont pas fondées parce qu'ils n'avaient pas eu d'affrontement. Donc c'est un prétexte pour justement être emprisonné sous prétexte qu'ils se sont chamaillés avec les autres, alors que c'est faux. Quel aurait été le motif qui aurait poussé justement ces Imbonera Kure à vouloir se battre avec ces membres du FNL? Le motif, c'est justement le passage de son excellence honorable Agathon Rwasa. Le 1er juillet 2016, il a passé à Guiogazi pour justement rendre visite à une association. Alors ça a été le motif donc, de les provoquer afin qu'ils puissent mener un combat avec eux parce qu'ils sont parmi les membres de notre parti dans cette commune. Et le gouverneur de la province de Karoussi, Kalini Marushimana, n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Nous continuons à chercher le procureur de la République à Karoussi pour qu'il puisse s'exprimer sur ce délai de détention préventive qui a expiré pour ces 4 militants du FNL. La récente mesure prise par les gouverneurs des provinces Pouvanza et Gitega d'interdire tout écoulement de récolte au-delà des provinces est due à un problème de communication. C'est l'assistant du ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique qui le dit. Terence Nahira Aja précise que l'objectif de cette décision de portée nationale est de bien contrôler les récoltes et surtout d'empêcher l'exportation des vivres. Il souligne que la mesure ne sera pas un handicap pour les commerçants. Le porte-parole du ministère confirme la décision issue d'une réunion avec tous les gouverneurs des provinces. Suivez. il y a eu évidemment une décision de bien contrôler les récoltes, et surtout l'objectif principal est d'empêcher d'exporter les récoltes et surtout les nourritures qui nourrissent le Burundi à l'étranger, c'est l'objectif principal. Mais également, parce que vous savez, il y a les fraudeurs qui font des contours, qui font semblant de déplacer les récoltes d'une province à l'autre, alors qu'ils veulent contourner l'autorité pour toujours aller l'exporter à l'étranger, alors que la population burundaise en a besoin et s'occuper de la hausse des prix. Alors, c'est une décision qui a été prise dans toutes les provinces, ce n'est pas seulement dans la province de Rwanda ou à Gitega. Peut-être ce qui s'est passé dans les deux provinces que vous venez de citer, c'est que la population n'a pas été informée à temps sur la manière dont il faut procéder pour pouvoir déplacer, évidemment, les vivres d'une province à une autre. Comme vous le savez, il y a une personne qui peut habiter dans une province X et cultiver dans la province Y. C'est son droit, justement, de prendre sa récolte parce que c'est pour sa famille et pour qu'il puisse s'y vivre. Prenons l'exemple de la mairie de Bujumbura. Ici, en Vire, on n'a pas de chat pour culture, on a besoin de manger, de se loger, tout ça. Et alors, je pense que seulement, ça a été un problème de communication, sinon, c'est contrôlé. Il faut que ceux qui veulent transporter ces récoltes ou bien ces vivres d'un pays à l'autre, ils doivent informer le gouverneur et avoir une autorisation spéciale. Comme vous savez même, il y a des commerçants qui gagnent les marchés pour nourrir les camps militaires, les établissements scolaires à internat et même d'autres. Il y a aussi les prisons. Et ça ne signifie pas qu'il ne faut en aucun cas aider notre population carcérale ou les autres. En fait, tout simplement, j'espère que ce qui s'est passé à Rwanda et à Gitega, c'est juste une manque d'information. Toutes les personnes qui veulent déplacer ces vivres, contactent le gouverneur et il faut qu'il y ait un contrôle de savoir où va se vivre, où est-ce que les transports pour faire quoi. Seulement, c'est ça, sinon on n'empêche pas vraiment la situation de nourriture dans notre pays, comme vous le savez, et tout le monde a besoin d'échanger avec l'autre. La mesure ne sera pas une entrave pour les commerçants. Pas du tout, parce que, comme vous le réalisez vous-même, la décision est prise par tous les gouvernements de province, mais seulement c'est dans les deux provinces où il y a eu problème. Terence Nairaja, il est assistant du ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique. Il est en même temps porte-parole de ce ministère. Il répondait aux questions de Mireille Kanyang. Il y a eu perturbation des activités dans le déplacement des passagers par moto au centre-ville de Bubanza. C'est avant midi, ce mercredi, les conducteurs de moto sur l'axe Bubanza-Muramba protestaient contre l'achat et le port des gilets fluorescents qu'ils qualifient de mauvaise qualité. Le président AI de l'Association des motards du Burundi à Bubanza explique que la mesure du port de ces gilets est du gouverneur de cette province. Comme les conducteurs des motos au centre-ville de Bubanza l'ont indiqué, ils ont refusé de transporter les passagers qui se rendaient dans la zone Muramba pendant 2 heures de temps pour montrer qu'ils sont frustrés. Ensuite, ont-ils poursuivi, c'était pour refuser de payer 40 000 francs bou pour des gilets fluorescents que le présentant à d'intelim de l'Association des motards du Burundi, Amotabo en sigle, dans la province de Bubanza, et la police les contraindre d'acheter. Ces conducteurs ont expliqué que ces gilets sont de mauvaise qualité et ne valent pas cette somme de 40 000 francs bou. Aussi se demandent-ils pourquoi ils doivent avoir des gilets au lieu d'un seul qui doit être porté par le chauffeur. Au centre-ville de Bubanza, il y a parmi ces conducteurs des motos ceux qui contestent même son représentant au moment où d'autres le reconnaissent, mais demandent la tenue d'une réunion pour débattre toutes les questions qui les hantent. Contacté à ce sujet dans son bureau, le représentant d'intérim de la Motabo à Bubanza, Douimane Atanaz, a fait savoir qu'il tiendra une réunion avec eux dans 6 mois, comme le stipulent les textes régissant les associations, en précisant qu'il agit toujours après avoir consulté les organes dans leur association, à savoir le comité exécutif et les représentants des motards dans les communes. Merci Célestin Blaise, Ndeo Kubgayo. On reste dans cette province de Bubanza avec cette nouvelle, comme quoi les eucalyptus se sont menacés par des chenilles et des insectes de plusieurs sortes. Dans certaines communes de cette province de Bubanza, les produits phytosanitaires que la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage avait disponibilisés n'ont pas été efficaces, comme le déplore la population. Cette direction provinciale promet de chercher d'autres produits qui seraient plus efficace. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine et à Kizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Restez avec nous. Nos programmes continuent.